Bonsoir. En manchette ce soir, on va parler de gros, de toilettes, de Japon et on ne parlera pas des Olympiques. C'est sans bon sens. Je donne le minimum. Je me sens comme un vrai homme. Je file comme un pomme. Au maximum. 70%. C'est surtout Simon. Simon, il est bon, c'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Ah oui, moi, Simon, Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%, 70%. Des hits continuent, continuent, que des numéros les meilleurs du jour. Les appelés pour le top de l'heure et réentendre la même chanson 4 fois aux 2 heures. Non, mais on est à 70%. Bienvenue, on a deux invités de marque. Oui. On parle bien sûr de Simon-Pierre Bilodeau, oui. Journaliste expert, chroniqueur, démon à ses jours. Et prêtre gourou spirituel, tranquillement aussi. Oui, tout à fait. John Lajoie, qui tranquillement s'en vient révolutionner l'humour québécois en présentant un visage bilingue, nouveau et travaillé. Bruno Corbin, toi, tu vas faire des belles nouvelles. Aussitôt que j'ai mon affaire d'open office, okay, là, je t'étrangle avec tes écouteurs si tu me parles des Olympiques. Je te jure que j'en parlerai pas. C'est bon. Je vais peut-être parler de la Chine, par exemple. Cool. Cool. Israël, d'où tu vas faire ta danse gentille? Ah oui, oui, je vais appuyer tout ce que tu dis comme d'habitude, comme ton boss sidekick. Wow, ouais. Je suis comme Batman l'élément comique. Robin, s'il y a des plats à se mettre les pieds dedans, ça va être moi. Bon, ben, let's go. Fait que, ben, on va commencer ça, là. Sinon, en background, c'est Secret of Mana aujourd'hui. C'est ma soundtrack de jeux vidéo préférée, fait qu'on va l'endurer. On va poser des questions à John Lajoie. Et bien sûr, sa loi, c'est la loi. Non, mais sinon, il va y avoir, bien sûr, Commando, des séquences excellentes d'un film grandiose. Oui. C'est ça la boîte d'aujourd'hui? Oui, ouais. Ça a été voté au douteux.org comme tout ce qui se fait de mieux. Là, on va commencer avec le générique ici de ça s'appelle le flic de Shanghai. Je trouve la toune est bonne. On va écouter le générique. Ça dure à peu près une grosse minute et demie. Faites attention à vos flûtes. Des hits continuent. Que des numéros 1. Là, le Winamp y ouvre. Winamp, énergie. User friendly. Énergie. Winamp. Le bonheur. Winamp. La justification. Voilà. Bon, on revient juste après. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous allez écouter de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Bonsoir, John, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui. Oui, dis-moi, John, est-ce que t'aimes le baseball? Bof. So-so? So-so. Moi, mais il y a aussi tout ce qui vient alentour du baseball qui est pas mal. Tu sais qu'une game de baseball n'est jamais aussi bonne devant un hot dog. Et puis moi, je regardais le baseball l'autre jour. C'était un match qui opposait les Dodgers de Los Angeles aux Cubs de Chicago. Puis la station de télévision à Chicago, il posait une question. Tu sais, il y a des questions fondamentales qui posent des sondages. Puis la question, c'était, est-ce que vous mettez du ketchup dans vos hot dogs? Fondamental, c'est fondamental. Oui, oui. Ben, fait que là, moi, je me suis dit, ben, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est quoi cette question-là? Fait que j'ai décidé de faire une recherche sur le sujet, puis je me suis rendu compte que c'est tout à fait interdit. C'est un sacrilège de mettre du ketchup dans un hot dog à Chicago. Alors, dans les hot dogs, habituellement, on met de la moutarde, du ketchup, de la sauce chili, de la choucroute, de la salade de choux, de la relish, des oignons. Il y a d'autres condiments un peu plus marginaux qu'on va mettre dedans, comme la mayonnaise, la laitue, des tomates, des pickles, du sel de céleri, du fromage, des avocats, du maïs en canne. Du Nutella. Presque. Presque. Des jalapenos, des fèves. C'est ça. À New York, on sert le hot dog avec des oignons cuits à la vapeur et puis une moutarde style deli couleur jaune pâle. À Kansas City, on sert le hot dog avec la choucroute et du fromage suisse fondu. Et à Chicago, qui est l'antithèse de New York, en fait, en termes de hot dog, on va mettre de la moutarde jaune fluo avec la relish vert foncé, des oignons crus, des tomates en tranches avec un dash avec un peu de sel de céleri. Tout ça servi dans un pain sésame. Ils sont tellement expérimentateurs. Hein? Mais savez-vous pourquoi on met pas de ketchup là-dedans? Ah, il y a une légende. Y a-tu des morts? OK, regarde. Non, il y a pas de morts. Mais c'est que y a des Américains qui pensent qu'un vrai hot dog devrait jamais, jamais, jamais avoir du ketchup dedans parce que... Et même qu'à Chicago, il y a des restaurants puis des stands à hot dog, OK, qui se considèrent comme étant des vrais Chicagoland hot dog grills, OK? Et puis que eux autres, en tant que règlement, ils vont jamais, jamais, jamais avoir du ketchup en stock. C'est pas juste qu'ils en mettent pas des hot dogs, ils en ont pas en stock. C'est une philosophie de l'entreprise. Même s'ils vendent des frites. C'est okay? ça. Et si vous allez sur le site du National Hot Dog and Sausage Council, okay, hey, call. Hey, le conseil, le bureau des hot dogs et de la saucisse des États-Unis, don't use ketchup on your hot dog after the age of 18. Alors, un vrai homme américain mature, un vrai adulte, ouais, okay, un ne vrai. Doit pas mettre de ketchup dans ses hot dogs. Alors, ben, c'est pas mal ça. Ça clôt la première partie de ma chronique sur le hot dog. Je vous reviens avec un peu plus de data un peu plus tard. Okay. Ça va être pas mal de fun. Est-ce qu'on va avoir la raison pourquoi qu'on n'a pas le droit plus tard? Tu veux que je te le dise? Arrête de poser. Ben non, si tu le gardes pour une surprise, dis-moi le pas tout de suite. Non, je peux le dire maintenant. C'est qu'en fait, à Chicago, OK, ce sont des saucisses qui sont faites uniquement de bœuf. Oui. Uh-huh. All beef. Et pour eux, le ketchup, c'est trop sucré. Ça tue le goût, l'acidité, tout ça. Ça tue le goût. Le bon divin goût merveilleux et subtil de la saucisse de bœuf. C'est un bon bœuf. Fascinating, hein, John? John Lajoie, ben oui, c'est vrai, on va donner un petit peu d'attention à notre invité. John Lajoie. John Lajoie, moi j'écoute, c'est cool. C'est il est en train de développer du stress, on le sent. On a cherché partout pour savoir si t'étais l'année de recrue de quel joueur de hockey, mais on n'a pas trouvé ton année de naissance. 1980. Et shit. T'as 5 ans plus jeune que. T'as 28 ans? 27 ans. Je vais avoir 28 droit, dans 2 jours. Ah! Bonne fête! Lajoie! Bonne fête! Lajoie! On l'a en primeur en sapristi. Ouais. Puis est-ce que t'as demandé des cadeaux? That was beautiful. non, juste un casque de football et une souris. Okay. C'est comme, mettons, un nurette puis un tire-bouchon. Là, c'est deux affaires qui vont bien ensemble. parfait. Ben, c'est qui le premier à poser des questions? On va en faire des sérieuses, hein, parce qu'il faut faire ça sérieux. C'est quoi ça te fait, personnellement, d'être devenu un personnage, une personnalité Internet, en fait? Parce qu'être une personnalité Internet, c'est bien plus représentatif puis valorisant que d'être une personnalité de TV puis de radio, parce qu'à ce temps, c'est le bouche à oreille qui compte pour l'information libre. Oui, c'est ça. Ouais. Ça te fait quoi d'être devenu connu à cause de l'Internet? I don't know. Ben, c'est cool, puis c'est sûr que il y avait pas d'argent derrière ça, tu sais, il y avait pas des non, c'est sûr, c'est juste parce que t'es vraiment drôle, en fait. It's because I'm a genius. Non, écoute, je sais pas. Mais moi, j'ai commencé à faire ça pour m'amuser, puis je fais encore ça pour m'amuser. Mais je m'achète. Just fucking. Ah, puis non, c'est super cool. Écoute, mes shows, il y a plein de monde qui sont là. Puis parce que moi, je vois pas, je vois pas mes spectacles, my audience. Moi, ouais, t'es spectateur, ouais. Tu sais, je vois pas, tu sais, je suis dans mon petit sous-sol, puis je fais mes affaires, puis quand, tu sais, même quand je vois les views, ils sont dans les millions, tu sais, j'y vois pas, je vois pas ce monde-là. Fait que quand je vois le monde à mes shows, puis dans la rue, tu sais, c'est super cool. Puis, mais le fait de savoir que t'es populaire, puis que les gens, tu sais, qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui vont voir ce que tu fais, est-ce que ça modifie ta façon de créer? Dans ton processus de création, est-ce que tu vas dire, ah, je peux pas faire telle affaire parce qu'il y a trop de monde qui vont... Pas vraiment. J'essaie de pas trop me censurer. Okay. Parce que, écoute, quand j'ai commencé à faire ça, je pensais pas à ça. Puis il y avait personne qui regardait mes vidéos. Ben puis oui. Je faisais mes affaires. Puis à un moment donné, le monde a commencé à écouter. Puis je veux pas vraiment changer ça. Des fois, je pense que shit, ma mère va voir ça. Là, parce que au début, j'étais comme, je fais mes affaires, mais t'sais, mes parents, c'est trop petit. Puis, ouais. Mais là, c'est que c'est rendu trop big. Fait que mes parents veulent les voir, les clips, fait que souvent, là, faut que je leur dise « Non, non, don't watch that one, okay. Regarde pas celle-là. » Mais ça change pas ma façon de faire les affaires. It's internet, j'essaie de rester, you know. Ben, c'est justement le mode de diffusion, vu que c'est rare que tu rencontres les gens pour qui tu fais des affaires, mettons. Ouais. Ben, sûrement que ça doit te garder une distance aussi avec une espèce de tête enflée de célébrité, peut-être. Là. Absolutely. Ouais, absolutely. Ouais. Je sais même pas pourquoi je suis ici, moi. D'habitude, je parle pas aux gens. Ah, mais ben, non, parce que tu donnes ton email à la fin de tes clips, bien sûr, John Lajoie sur YouTube. Je sais pas si vous saviez, mais c'est quoi, t'es le numéro 1 de tous les subscribers canadiens. Là, on a vu ça tantôt. T'as eu des trophées YouTube, là. Ah, c'est plus gros que celle-là. Pareil que Will It Blend pis que le Angry Video Game Nerd. Yeah, yeah, yeah. Ouais, tu le connais. Ben, il est drôle. Ouais, il est drôle à tabarnak. Yeah, I don't know. Okay. Non, on te pose plein de questions de même parce que nous aussi, c'est un show de radio sur Internet humoristique. C'est juste qu'on pogne pas encore. Enfin, on veut apprendre de toi. Non, mais dis sinon. Shit, piss fuck, puis parle de la merde, puis. Ça va faire un beau lien avec ma question, d'ailleurs, parce que George Carlin est mort dernièrement. Mm-hmm. Est-ce que tu es un fan du monsieur? Parce que ça a été une inspiration pour beaucoup de jeunes humoristes. Absolument. C'est un gars qui il a vraiment lu. Il a toujours lu des grosses couilles. Il s'est jamais censuré. Il a toujours dit les vraies choses. Puis même son dernier HBO special, je l'ai réécouté la semaine dernière. Okay. Puis écoute, he's got balls. Puis il dit les vraies choses. Puis il est drôle en plus. Puis. Puis c'est pas trop preachy parce que tu sais, c'est George Carlin. You know? Ouais, c'est ça. Mais toi, est-ce que. Il est très brave, he's very brave. Sûr, c'était vraiment un héros de la chose. Mais sinon, Monty Python, tu dis que c'est une de tes références. Oui. Tu suis pas en particulier? Es-tu un fan de John Cleese ou de Terry Gilliam? Terry Gilliam, John Cleese, mais toute la gang, mais quand ils étaient tous ensemble pour quand ils faisaient The Flying Circus, leur émission de TV, c'est malade, c'est fou ce qu'ils ont fait, puis ça marchait tellement. C'est quelque chose de genius, ce qui était là pendant une période de temps. Ah, même leur film, mais quand tu vas dans leur émission de TV, it's just genius. Ben oui. On peut pas refaire quelque chose. L'humour anglais, c'est vraiment comme une saveur en particulier, je pense. Puis est-ce que toi, tu penses que cette saveur-là, elle dure encore au Canada? Est-ce qu'il y a un cleavage vraiment quand tu fais de l'humour? Est-ce que. Toi, vois-tu de quoi, mettons? Tu veux dire, est-ce que... Entre l'humour des Ontariens ou des Canadiens anglais puis l'humour des Canadiens français. Ben écoute, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de monde ici au Canada qui aime des choses comme The Office, que Ricky Gervais, des choses comme Flight of the Conchords, des choses comme... L'Auberge du Chien Noir. Ça aussi, tu sais. Ah ouais. J'ai pas l'oublié, là. C'est autre chose. But, tu sais, quand t'écoutes Canadian Air Force, This Hour is 22 Minutes, ces choses-là, c'est très canadien, comme gas, mm-hmm. Corner gas. C'est loin du British, c'est juste comme américain but watered down. What the hell is this, you know? De l'humour américain coupé à l'eau. Il y avait Super Dave Osborne qui était quand même. Ouais. Pourquoi qu'il n'y a pas de H dans ton nom? Ben parce que c'est cool pour Jonathan. Ah, c'est cool. Oh ben, hein. Pas plus, pas moins. Ouais, t'avais pas vu Lajoie. Sur le générique de l'auberge du Chien Noir, il est écrit Jonathan Lajoie. Ah, franchement. C'est parce que tu l'écoutes pas, hein? T'as joué dans l'auberge du Chien Noir? Ben, il joue. Je joue là-dedans. Ça doit pas mal aider à financer les clips qu'on voit. C'est pour ça que j'ai pu. Parce que j'avais toujours des breaks de 2 semaines, 1 mois, puis. Je me trouve quelque chose à faire, puis. Ça débrouille ton bar en plus. Yeah, j'étais comme, mon band, j'étais dans un band avant, puis mon band était terminé, puis ça marchait plus, puis j'ai toujours voulu faire de l'humour, puis j'ai vu une couple de clips sur internet, j'ai dit, pas besoin de cash pour faire ça, puis j'ai acheté une caméra, puis. Illegally downloaded a software, je vais pas dire la compagnie parce qu'ils vont venir me chercher. Hey, mais. De toute façon, ils savent déjà, hein. Mais écoute, j'ai pas fait d'argent encore avec Je te demanderai pas si t'as un Mac ou un PC. Tu veux dire que tu fais pas d'argent avec l'humour encore? Ben, tu sais, il y a des potes. T'as pas fait juste pour rire. Ah ouais, ben, mais tu sais, j'ai pas fait de l'argent avec juste pour rire. Mais, non, j'ai comme commencé à faire des shows, là, puis ça paye un petit peu. Mais avec Internet, moi, j'ai tout donné gratuit. Aussitôt que tu essaies de faire de l'argent sur Internet, ça, you know, it narrows ton marché. C'est sûr. Fait que je mets ça partout. Sauf que ça permet d'aller chercher des contrats publicitaires, les têtes à claque, entre autres. Ouais. Ah oui. Faire les drinks. Ah, ce serait cool d'avoir les drinks John Lajoie, les sandwichs de dépanneur John Lajoie. Oh, les pepperettes John Lajoie. Oh, les John Lajoie mints. Hey, c'est vraiment bon. Two girls, one cup Sunday. John Lajoie special. Oh, the pedophile beer. With more nuts. Il faudrait que je commence à vendre des barbes de pédophiles, par exemple. Ça serait pas vrai. Chez Toys R Us. Ça serait bien. Directement du producteur au consommateur. Donc, je vais me permettre, on va se reparler. Hein, ben parce oui. que là, il reste encore exactement 42 minutes et 24 secondes. Il faut donner un petit peu de temps à Arnold. Ce gars-là, il a décidé d'essayer de s'attaquer à une cause bien importante, c'est-à-dire enlever la clause de la nomenclature de la loi américaine qui dit qu'un non-natif américain ne peut pas devenir président de la Belle République. Et puis, bien sûr, il va essayer de changer ça, hein, parce que si Reagan a pu être un président américain, là, hein? Hein? Arnold's J'avoue. Coming up. Richard Nixon. Lui, man, il tue bien plus de monde, puis c'est pour sauver Alyssa Milano. Puis il est cute, Alyssa Milano. Puis c'est pas pour l'amour, ils le disent, dans tout, enfin. Certain que c'est pour l'amour. C'est pas parce qu'il y a une hécatombe. Okay. D'ailleurs, on va commencer, là, parce que ça, ce film-là, il y a comme un prologue. Il nous le garoche, c'est vite, c'est déjà digéré. Là, on va voir. Je ripais les bouts. J'essayais de faire mon découpage des meilleures séquences audio. Puis c'est comme la deuxième fois que je présente ça à un show de radio. Et puis cette fois-ci, j'ai raclé plus large. Toutes les fois que le monde parle, ça n'a pas de sens. Excellent. Fait que là, c'est les premières phrases du film qu'on va écouter là. J'ai eu peur que vous me ratiez. T'inquiète pas, on va pas te rater. Et voilà, ça commence. Le fond de la chose, c'est que, dans le fond, Arnold Schwarzenegger, c'était le meilleur des meilleurs des meilleurs qui était préposé à l'entraînement des meilleurs des meilleurs des meilleurs, un meilleur de moins. Et puis ben là, ils veulent essayer de le retrouver pour lui faire une basse besogne, lui faire une basse besogne. C'est pas qu'on a perdu du terrain. Mais on les habite. J'aime les Cadillacs. Vous aimez les Cadillacs? Alors jetez-moi un coup d'œil là-dessus et installez-vous dedans. Elle va vous plaire. Ce n'est que classe et beauté. Confortable, hein? Ah, je sais ce que vous allez dire. C'est du vinyle. Mais croyez-moi, c'est mieux que le cuir. Le cuir est chaud, c'est inconfortable, ça se craquelle. Rien que des emmerdements. Et regardez l'espace que vous avez. Même un grand type comme vous n'a pas de problème. Allez-y, mettez le contact. Écoutez ça. C'est de la puissance et des performances. Vous savez ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que c'est? Son prix. Et voilà, bien sûr. Et ça, c'est le noir. Pour continuer mes petites explications, c'est que là, ils ont absolument besoin de trouver John Matrix. Fait que là, ben, ils ont décidé de tuer ses collègues pour qu'à un moment donné, le sergent aille voir Matrix pour l'avertir. Il s'appelle John Matrix, pour vrai. Pour l'avertir que il y a des méchants après lui, mais là, les méchants, ils attendaient juste ça pour savoir il était où, tu sais, pour suivre le général. Mm-hmm. Parce qu'il pouvait pas téléphoner. Non. Parce qu'il pouvait pas téléphoner. Ben non, il habite dans le bois. Ben là, c'est loin, le bois, puis là, hein, tu sais, puis tout. Fait que là, on va s'en aller un petit peu plus loin dans le film. Là, on a compris que les anciens coéquipiers de Arnold se font flinguisifier. Là, on va aller à 9 minutes 53. Attendez ça un petit peu. Juste un petit peu après. C'est quoi qui se passe à celle-là? C'est... ah oui. On va rencontrer justement le sergent. C'est là qu'il amène les méchants. Très belle séquence de cinéma. C'est prenant. Jackson! Harris! Montez la garde. Subissez des ordres gratuits. John! John, tu es là? John, tu peux sortir! C'est Kirby! C'est Kirby. Je sais. Et voilà. En silence et en douceur, comme toujours. Eh oui, en silence. Mieux, c'est vous qui m'avez appris. Oh, moi, je commence à me rouiller. Qu'est-ce qui se passe? Oh, là. Jenny, comment vas-tu? Bonjour. Jenny, il faut que je parle à ton père, d'accord? Ah oui? Vous avez un mandat? Oh, très amusant. Jenny. D'accord. De toute façon, elle, son but, c'est bien sûr de se faire kidnapper. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'elle existe. On vient de rencontrer la motivation. Voilà, ça va très bientôt être personnel. Il y a dû y avoir une fuite. Lawson, Forrestal, Bennett se sont tous fait descendre. Qui est-ce qui fait ça? Vous aviez des ennemis partout dans le monde, John. Peut-être les Syriens, les Sud-Américains, les Russes, ou un groupe de terroristes. Ouais. Encore eux autres. Ils te trouveront. On commençait à mener une vie normale ici. Vous l'aurez, je te le promets. Je vais à Los Angeles pour coordonner nos efforts avec les fédéraux. On arrêtera ces petits salopards avant qu'ils arrivent à toi. En attendant, les Jackson fédéraux. Harris... les fédéraux, c'est vraiment la cavalerie du futur, les fédéraux. Les autres, c'est de secours. Ils arrivent quand ça leur tente, puis ils font ce que ça leur tente. J'ai une petite dernière séquence que je trouve bien importante. C'est parce qu'Arnold, il y a un odorat qui lui sort... Vous allez voir. Vous êtes gravement touché? Ce n'est pas grave. Je pense noir, les deux vous allez prendre mon fusil dans l'atelier. Ouvre l'œil. Ils vont venir. Et attention, vous êtes dans le sens du vent. Le moindre courant d'air peut les avertir. Le sens du vent? Je vais les sentir venir. Je les ai sentis. Moi. Bon, Jenny, toi, tu vas dans ta chambre, d'accord? Donc, c'est ça, va dans ta chambre, va te faire kidnapper, s'il te plaît, ma belle. Bien sûr, elle va se faire kidnapper. Ceux qui ne le savaient pas ou qui sont surpris, ben, je comprends pas. C'est parce que vous écoutiez pas encore l'émission. Ouais, c'est ça. Mais là, je vais me permettre ici de lire mon petit speech, hein, parce que j'ai passé les extraits avant, c'était voulu. C'était très calculé. 16-10, premier speech de Bennett. Hey, Bennett, c'est le méchant. Ouais. Parce qu'il sait, il pense que c'est Commando, c'est ça? C'est Commando, ouais. Certain, ah, man. Yeah. Un film de Mark Lester. D'ailleurs, Mark Lester, il a une très belle feuille de route. On commence au début. La belle feuille de route que celle du réalisateur du film de ce soir. C'est lui qui a fait Class of 94. Mm-hmm. Et puis, ben, toutes ces indispensables ramifications. Class of 84. 84. Ouais, 84. Je sais pas ce que j'avais dit. Non, t'as dit 94. Ah, oh, peu importe. Il y avait pas mal moins de Mohawks dans ce temps-là. Donc, sinon, il a aussi travaillé à l'excellent et récent Ptérodactyl, dans lequel Coolio meurt à la fin en usant du traditionnel « continuez sans moi » de second rôle blessé mourant. Hein? Commando, version française de Commando, c'est l'histoire touchante d'un amour naissant, d'une quête déterzespéréminée. Ouais, j'ai mélangé deux forces. D'un père pour aller délivrer la seule raison qui lui reste à vivre. C'est un petit personnel. Yeah. Donc, ex-meilleur des meilleurs de l'unité spéciale, sergent et responsable de cette même unité spéciale, entraîné à faire ça silencieusement et en douceur, doté d'un odorat hors du commun et d'un bronzage faisant dévier les balles, John Matrix devra créer une hécatombe, transformer une île paradisiaque des tropiques en lieu de souffrance hanté de dizaines d'âmes assassinées. J'ai amené en gros un gros carton à soi. On va faire le total des gens qui meurent pour que la vendetta de John Matrix se fasse. John Matrix, qui était connu pour les gens de cette île comme le démon destructeur de l'apocalypse, l'équivalent de nos quatre chevaux. Là. Bien sûr, ça va nous approcher d'une évaluation. Le but de tout ça, d'essayer de comprendre hein, le tas de cadavres, c'est qu'on va avoir une évaluation de la taille d'un hypothétique tas de cadavres. Processus qui n'a aucun but, mais qu'une futile tentative de tenter de commencer à comprendre la taille de l'immondice ici présent. Ce n'est que ça. En passant, j'ai regardé, il y a personne qui s'appelle Matrix au Canada. Il n'y a aucun nom de famille, il n'y a aucun prénom. Également, les statistiques le prouvent, à Hollywood, t'as plus de chances de survivre si tu te bats à 1 contre 20 que si tu te bats à 20 contre 1. Ce qui est exactement comme dans la vraie vie. Sans oublier Yvon Penneau, qui est gaucher, et Wang Wang, qui est le plus petit acteur de tous les temps à avoir tenu le rôle principal d'un long métrage. Tommy? Ouais, je suis rendu ailleurs, mais c'est important. Yvon Penneau, rapprochement avec 110%, on s'en reparle cet automne. Excuse-moi, je voulais juste faire une parenthèse. J'ai tellement envie de te faire mal, là. Excuse-moi, j'arrête. Qu'est-ce qu'on va pour une nouvelle? Hey, on a des nouvelles! On a des nouvelles! Alors, aux Olympiques, cette année, ça va pas bien, hein, les Olympiques? Hein? Le Canada? Hein? Non, on parlera pas de ça pour vrai. OK. Alors, il y a le roi de Norvège, Gérald V, qui vient de nommer un pingouin chevalier. Nils Olav, la mascotte de la garde royale, est maintenant Sir Nils Olav. Le pingouin qui était membre d'honneur de la garde royale depuis 1972 a reçu le prestigieux titre cette semaine, avec l'épée sur les épaules pis tout, là. Le vrai Nils Olav étant mort en 1980, il s'agit d'ici d'un remplacement ou de tout simplement Nils Olav le second, mais ça n'en donnerait rien au titre, c'est quand même lui qui... C'est un pingouin. Moi, m'a barré le studio pis mettre le feu dedans, excuse-moi John, hein? Casualities war. Non, ben envoyez un autre. OK, les dépotoirs ouverts de Mumbai en Inde sont si nauséabonds que les travailleurs de la ville ont trouver une solution désespérée. Avec sa population de 18 millions, produisant plus de 8500 tonnes de déchets par jour, et ses 500 000 personnes habitant à proximité du dépotoir qui en ont assez de l'odeur, les officiels ont décidé d'asperger le dépotoir de parfum. Un parfum à base d'herbes diluées dans l'eau est aspergé chaque jour sur le site. Le coût du parfum sera de 114 000 $ pour 42 000 litres de parfum nécessaires pour parfumer le dépotoir 6 à 8 mois. Parfumer les déchets aide, a déclaré l'ingénieur municipal en chef. Les résidents se plaignent moins. Nous continuerons jusqu'à ce que nous trouvions une solution à long terme. Les résidents de la décharge se plaignent moins. Oui, les résidents de la décharge se plaignent moins. C'est le fun, on améliore leurs conditions de vie. Ben oui, puis eux autres, ils sentent plus bon en même temps. Ben c'est sûr. C'est vrai. Puis eux autres, ce qu'ils respirent, c'est mieux. Puis eux autres même, c'est parfait, man. Bientôt, ils vont peut-être même faire un arrêt d'autobus. Vive la société, vive la civilisation. Avant de revenir, parce que nous, on veut mettre des tonnes de John Lajoie, on est même supposé avoir une première. Là, ce qu'on va faire, c'est... Moi, ma préférée, là, moi, c'est Two Girls, One Cup. Cool. Song. Parce que l'autre, c'est pas pareil. Moi je vais la mettre là. Quand tu tournes au ralenti avec le jacket, là... c'est du beau. Génie. C'est magique. C'est juste beau, hein. C'est du génie. Écoute, quand on fait ça live, à la fin... J'arrête les instruments, puis toute la foule, everyone singing together. C'est un beau moment. Ça doit être sûr. Écoutez les paroles, ça vaut la peine. Hein. C'est ça, la vie. Two Girls, One Cup Song, c'est John Lajoie qui est là, il a composé ça. C'était quoi, un moment de heureuse? C'est un phénomène Internet qui compose pour un autre phénomène Internet, man. Mm-hmm. C'est la spirale. Ça s'annule, man. On est à 70%. On va revenir pour d'autres vraies aventures, ça sera pas long. Show someone you love that they are the one. So many ways to express love, it's hard to choose just one. How you gonna do it? Some people like to kiss, some people like to hug. Some lesbians like eating each other's shit out of a cup. Some people say I love you, some even shout it out. Some people puke semi-digested shit into each other's mouths. Sometimes making love's not enough. You have to step it up. And urinating on her face is not enough to say I love you. Some people like to kiss, some people like to hug, some lesbians like eating each other's shit out of a cup. Some people say I love you, some even shout it out. Some people puke semi-digested shit into each other's mouths. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. Shit in my mouth and I'll puke it all over your face. Des toits dans méchantes sonnettes. Ding dong, ding dong. La clochette et le répond ding dong, ding dong, ding dong. Fin. Ces dépôts de tarte et de calcaire font dévier les jets d'eau qui sortent de votre pomme de douche. Il suffit de tremper la pomme de douche obstruée dans le CLR pour qu'elle fonctionne comme une neuve. Il semble parfois que rien ne viendra à bout des taches sur les caraves à café. Et pourtant, une petite quantité de CLR fera disparaître rapidement ces taches. La céramique. Un criminel surnommé Overlord tenait notre ville sous son emprise la mémoire. Je l'ai aidé à trouver une nouvelle identité ainsi qu'une nouvelle vie. Maintenant, nous avons une chance de gagner. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alors, on voulait pas parler d'Olympique, mais on va parler de compétition quand même. J'espère. Parce que je reviens avec ma deuxième partie de chronique sur les hot dogs. Saviez-vous que le 4 juillet 2007, Joey Chestnut a battu un nouveau record? Il a bouffé 66 hot dogs en 12 minutes. Ça c'est plus le petit chinois là, ça c'est plus Kobayashi. Non, c'est ça. Maître Kobayashi. Maître ouais. Kobayashi. Sensei. Non. En fait, c'est ça c'est un concours qui est le Nathan's Hot Dog Eating Contest qui se passe à Coney Island. Coney Island, ça c'est l'endroit original dans une région de New York, l'endroit original d'où viendraient les hot dogs. Je vous en parle un peu plus tard. Puis il battait le record qui a été établi avant le 2 juin 2007, qui était son propre record, 59 hot dogs et demi en 12 minutes. C'est des séances de 12 minutes. Puis avant ça, en Arizona... Comme l'ont décrété les anciens. OK. Non, c'est ça. En Arizona, il a battu le record de Takeru. Puis hey, c'est vraiment Kobayashi qui s'appelle. Ben oui, c'est Kobayashi. C'est on vraiment est Kobayashi. On est au courant. Takeru Kobayashi, 53 hot dogs et 3 quarts. Je sais pas comment ils font pour aller évaluer qui est... T'en as mangé de 3 quarts, là, mais... Il y a un photo finish. Ouais, bah, c'est peut-être ça. Ben, oui. Un ralenti, ça doit être de toute beauté. On niaise pas avec bon. Ça, man. Le hot dog le plus long qui a été créé mesure, d'après vous, combien? 3 mètres? Bonne non, question. 60 mètres. C'est tout près de 200 pieds, OK? Et puis, c'était à l'hôtel Akasaka Prince de Tokyo, ben au oui. Japon. C'est Kobayashi qui l'a mangé? Je sais pas, non, je pense pas. Peut-être pas en 12 minutes, en ouais, tout cas. Okay. Mais bon, en 2007, OK, les consommateurs ont dépensé plus de 4,1 milliards de dollars en hot dog aux États-Unis dans les supermarchés. Seulement dans les supermarchés, OK. On parle d'un milliard et demi de livres de saucisses à hot dog achetés dans ces au détail, comme ça. Ça bat pas Matrix. OK, le 4 juillet, les Américains bouffent 150 millions de hot dogs dans cette seule journée. Hey, t'en remplis des piscines. Ben, regarde, 150 millions de hot dogs, là, c'est 5 fois la distance Washington-Los Angeles. Ah, bon, ben, coudonc, hein. Dans les estomacs de ces jeunes messieurs. Écoutez, puis pendant la saison des hot dogs, l'été, ça part la du Memorial Day jusqu'au Labor Day, la fête du travail américaine. Alors, les Américains vont consommer en moyenne environ 7 milliards de hot dogs, ce qui revient à dire 818 hot dogs à la seconde. Pour le peuple américain, bien sûr. Oui, le peuple américain. Les Allemands là-dedans, même, eux autres aussi, ils aiment ça de toute façon. Puis là, j'ai des chiffres ici. Je suis pas sûr. Me semble que ce sont les chiffres de ce qui se consomme dans les stades de baseball. OK. Là, attends un peu. À New York, c'est 103 millions de dollars en dog. À Los Angeles, 86. Baltimore, Washington, 51 millions. Philadelphie, 46. Chicago, 43. Tu vois, la recette à Chicago n'est pas si bonne que ça. C'est la troisième agglomération, puis ils sont juste cinquième. Tout juste devant va Boston. Va falloir s'améliorer à ce niveau-là, je pense. Puis Boston, on parle de Beantown. Puis à Boston, justement, dans les hot dogs, le hot dog Boston style, c'est avec une sauce de fèves qui vient dedans. Alors, c'est ça. Bon, puis une avec chose, qui tu parlais avec la déception qui s'ensuit. Avant que je revienne avec la troisième partie de ma chronique, OK, c'est que on parle de faire un festival. Tantôt, t'as dit du Nutella avec le dog. On parle de faire un festival dans la ville de Dubois, en Pennsylvanie, OK? Parce que là-bas, sous la suggestion d'une mère d'un petit enfant de 7 ans qui en met partout dans tout ce qui bouffe. Du hot dog ou du Nutella, là? Ce dont comme je prépare OK. J'ai pas encore dit le sujet. C'est bon. OK, parce qu'il en met dans tout ce qui bouffe, ils ont fait une recette de hot dog au beurre de peanut et ils vont l'invention était très populaire, ça a été diffusé partout par internet, puis bon c'est devenu très populaire et la ville de Dubois est en train de préparer le premier festival du hot dog au beurre de peanut. Yay! You can't make c'est multiculturel! It's true, it's on the internet. Everything that's on the internet, it's true, John. C'est vrai. On va partir un téléthon pour trouver un hitman pour aller vous faire la peau les deux. Hein. C'est la seule solution. C'est les messagers, mais ça va faire. Okay, écoute, je reviens avec une troisième partie tout à l'heure, puis j'ai fini pour le moment. J'ai plein de questions pour John, par exemple. Ben, certain, John. 400 000 assassinats confirmés. En tant que ninja. Ah oui. Oui, tu sais, il a oublié. c'est une partie de son cerveau, un traumatisme post-Vietnam. Oups. Puis, t'as suivi ça où, toi, ton cours de ninja? C'était ici, à Laval. À Laval? Il y a un ninja, il s'appelle Serge Tremblay. C'est une technique assez spéciale. Sensei, Serge Tremblay. C'est excellent, ça. Puis oui, j'ai tué beaucoup de monde. Puis au bout de la ligne, j'ai dit que ça me tentait plus de faire ça. Pas parce que j'aime pas ça tuer le monde, j'aime ça, c'était le fun. Mais j'avais envie de faire rire le monde et peut-être moins tuer le monde. Des fois, en conflit, il y avait... Ouais, c'est ça. C'est... Comme t'es... ça, pour être mort de rire. OK, mais après avoir tué 400 000 personnes, est-ce que tu te considères toujours comme étant un everyday normal guy? Everyday normal ninja. Parce que des ninjas, ça en tue du monde. Il est-tu à la bonne place à soi? Je sais pas si t'étais allé voir le site web douteux.org. En fait, c'est qu'on apprécie particulièrement les films de ninjas. Les ninjas, en général. Si t'as des photos de ninjas, envoie-les sur le site internet, tu vas gagner des prix. Ouais, il y a des VHS très facultatifs à gagner. Il faut qu'ils soient à Montréal, par exemple. Moi, j'aime beaucoup American Ninja. Ah oui, Michael Dudikoff. Dans le rôle du gars qui est meilleur que tout le monde. Puis tu nous fais ça un indicatif. Ah ben oui, est-ce que tu te sens à l'aise? Je m'appelle John Lajoie et j'écoute 70% ou je vais décider d'une blague sur le coup. Je vais penser à ça là. Ok, il va y penser, on va revenir plus tard. Pour l'instant, tu on va joues poser ça à Magic? À Magic? Magic the Gathering? Non. Déception encore. Est-ce que tu t'es déjà mis un suppositoire? Not yet, mais j'ai hâte. En tout cas, sérieusement, si tu le fais, là, moi j'ai découvert ça. Faut pas que tu rentres le bout pointu en premier, même si t'as l'impression que c'est comme plus analo-dynamique. Là. C'est dans l'autre sens, puis le péristaltisme fait qu'il remonte. Donc, easy ou hard? Spécial, hein? Easy ou hard? Easy ou hard? Ouais. Hein? De quoi? Dans les filles ou les jeux vidéo, pas ce que tu veux. Ah! Ouais, quand tu choisis ton level, là. Ah, moi, c'est easy, man. Dans les jeux vidéo, là, je suis. Quand j'étais plus jeune, Mortal Kombat, j'étais très bon. Okay. Puis ça, c'était mon jeu vidéo. T'étais très bon à easy. Okay. Non, moi, je. Mais tout le reste, j'ai pris ma retraite après Mortal Kombat. Fait que je suis comme poche dans tout. Ah, t'es plus un jeu vidéo game? Non, je suis assez poche. Est-ce que t'es célibataire? Who's asking? Oui, oui. Yeah. Ok. Est-ce que tu couches avec des plus belles filles, des top canons depuis que t'es connu? Non, parce que je suis sur Internet. C'est comme, ah, lui joue à TV, ah, lui joue sur le cinéma, hey, lui joue sur Internet, ah, let's shit on his face. Ouais, mais lui, il va être sur HBO. Dans l'auberge du chien noir, quand même, je veux dire. Ouais, c'est pas rien. Ouais, les femmes de 55 plus, souvent. Il y en a des séduisantes. Oui, non, absolument. Ben oui. On regarde l'auberge ensemble. C'est pas ça, trouver des MILF quand tu vas sur RedTube. RedTube, je ne sais pas de quoi tu parles. RedTube, moi non plus. No idea that is an alternative awesome to YouPorn. Ah, une alternative. Parce qu'on a le droit de choisir. Ouais, ben c'est, oui, c'est un succès d'année sûr à la pornographie. Oh, yeah. Harry Potter ou The Lord of the Rings? Écoute, j'ai vu Lord of the Rings, j'ai pas lu. Mm-hmm. Fait que je suis comme poche, là. Je sais que je suis pas. Bah, Star grave. Trek ou Star Wars? These are hard questions. Moi, c'est ça, Star Wars. Ouais. Star Wars. Ah, c'est bien correct. Est-ce que c'est important pour toi que l'humour fasse réfléchir les gens en plus de les faire rire? Des fois, mais non. Écoute, des fois, tu fais des bruits de pète avec ta bouche, puis ça fait rire le monde, c'est cool. T'sais, le monde, ouais, a besoin de rire. Mais oui, c'est sûr que. Parce que moi, j'ai trouvé que l'humour que tu fais, mettons, avec Everyday Normal Guy, puis Show Me Your Genitals, c'est un peu une satire du gangster rap, un peu, évidemment. Ouais, non, absolument. Évidemment. Est-ce que c'est une forme de révolte de ta part vis-à-vis ça? Ben écoute, moi j'ai ça le monde qui se prenne vraiment au sérieux, j'ai ça les choses de really shallow, les affaires que tape à l'œil, que dans ces chansons, dans cette musique là qui était idolized puis tout ça, je trouve ça tellement, c'est tellement bizarre que tu peux écrire une tune avec des affaires qui écrivent puis, mm-hmm, c'est populaire. I just find it really funny. Mm-hmm. Je lui dis, écoute, je vais faire une toune. Ouais, parce que dans le fond, Show Me Your Genitals, c'est pas vraiment un gros stretch du gangster rap habituel. Moi, j'écoutais tes paroles, puis je faisais comme, non, j'aurais pu. Exactement. J'aurais entendu 50 Cent chanter ça, puis j'aurais fait comme, ça a presque du sens. C'est accepté à cause que, tu sais, ah, c'est de la musique de club. Puis fait que tu peux dire que women are stupid and I just want to have sex with them. Mais tu sais, moi je le dis, tu sais, moins cool, puis le monde font ça. Ah, mais c'est des énormités. Si tu fais des zooms sur les capes de roue de ton Honda Civic, je sais pas, regarde, c'est ça. C'est le char, mon frère, mon char est pique. Si t'aurais un grill, c'est quoi qu'il y aurait sur ton grill? Si t'avais, bien sûr, un grill. Big Pimpin'. Parce que je suis un pimp, je suis cool. On dirait qu'il est devant son miroir, là, ce qu'on veut, il est capable. Sinon, je veux dire, là, t'es acteur, t'es musicien. J'ai l'impression que la musique ou tes clips sur Internet, ça a l'air d'être quelque chose qui va mousser autre chose. Mm-hmm. C'est quoi cette autre chose-là? Ben là, je parle à HBO, puis je m'en vais à Los Angeles comme dans un mois to completely sell out, puis je vais être... HBO sont cool. J'ai eu un contrat avec eux autres pour développer un pilote. Jouer dans une série. Ben non, ils veulent que moi j'écris et je fais un show, ah ouais? John Lajoie, mais c'est pour faire un pilote, c'est un projet, ils vont me matcher avec du monde, mais ils veulent vraiment, HBO sont cool, ils veulent vraiment que ce soit comme, que ça vienne de moi, puis ils essayent pas trop de, I like drinking Pepsi, normal guy Pepsi, c'est pas ça fait-tu longtemps que tu travailles là-dessus? Est-ce que t'as suivi la grève des scénaristes à Hollywood de tout près? Ou? Ben j'étais là quand la grève was happening, okay. Puis écoute, tout le monde, c'était la ville a arrêté complètement à cause de ça. Oh boy, hein? Mais écoute, c'était un bon temps pour moi parce que moi, je suis pas syndiqué au States. Je pouvais rencontrer tout le monde. T'es un scab. Right, I'm a scab. Oh. Yeah. Non. J'ai signé I'm mon... just an everyday normal scab. Ben sinon, on va avoir ici, on va avoir une super nouveauté, une primeur, Stay at Home Dad. Parle-nous un petit peu avant qu'on la parte. Ben écoute, c'est une toune, je voulais faire une toune métal un peu, puis puis je voulais faire ça, ben écoute, c'est l'histoire d'un stay at home dad, un père qui reste à la maison, puis sa femme va travailler, puis lui il prend soin de son enfant pendant que sa femme est au travail, puis c'est une toune métal. Metal, un peu Rage Against the Machine was going in my head quand je le faisais. Bon, ben voilà, on écoute ça à 70%. C'est en toute primeur, hein? C'est la première fois. Première fois, j'ai fini de l'enregistrer. Des primeurs, une après l'autre. Que des hits. Les numéros continue, dans vos oreilles. Énergie à Montréal à 70%. On fera des rires de retour à la maison tantôt, là, une trentaine secondes pour le digérer. Là, on se lance dans Stay at Home Dad. C'est vraiment une primeur. On est à 70% solide, là. Solide. On revient juste après, bien sûr. Ça, là, c'est quelque chose, c'est le transcript d'une conversation que j'ai chatté jadis avec un maître spirituel en devenir, Saumur. Donc, le mépris éprouvé pour toute entité exogène diminue tranquillement pour être lentement remplacé par les quatre piliers saumuréens. Un, la vacuité. Deux, inertie très importante. Trois, passivité. Et quatre, indifférence qui vient... englober le tout d'une belle sauce fromagée. Tels sont les quatre niveaux qui tirent la brouette de la vie de la personne en question. Je dis, bien sûr, la très sainte stagnation de laquelle tu es l'avatar, je lui réponds. Il dit, yes, the stationary state within the Big Bang. L'ordre... C'est profond. Oui, et de moi de répondre, l'ordre et le chaos, l'internelle introspection. C'est une question d'équilibre, renchérit-il. Ma proactivité est inversement proportionnelle à la vitesse de la lumière. Toute action volontaire, avec ou sans objectif, est futile et dénuée de sens. Il n'y a ni ordre ni chaos, mais qu'un vide quintessentiel avec le doigt, avec lequel je dois faire un. Sur le divan. C'est quelque chose de sublime que je me sentais le besoin de lire. Simon, dernière partie de ton entrevue à Cannes. C'est un topo, c'est pas une entrevue. Pardon. Ouais, chronique. Pardon. John, est-ce que tu crois que les Québécois forment une société distincte? Oui. Oui, hein? J'en ai la preuve, moi, ici, dans la troisième partie de ma chronique. C'est qu'à Montréal, ainsi qu'ailleurs dans la province de Québec, du Québec, les pains hot dogs sont généralement utilisés, ce qu'on appelle des top loading. La fente est sur le dessus. On appelle ça le New England style. Plutôt que sur le côté. Parce que ailleurs, au Canada, eux, c'est sur le côté que la fente est. Mm. Et puis les hot dogs montréalais sont considérés comme étant plutôt petits. Comparativement à ailleurs au Canada. Hey, hein? La ville de Montréal n'a jamais permis qu'on aille des petits carts pour vendre des hot dogs. C'est tout à fait interdit. Puis ça a amené la prolifération de ce qu'on appelle des greasy spoons, des petits restaurants cheap. Enfin, vous savez très bien de quoi je parle. Oui, j'en veux. Alors, un des fleurons de ces greasy spoons à Montréal, en fait, c'est le Montreal Pool Room, qui, depuis 1912, a opéré continuellement plus ou moins 24 heures par jour à la même location, le 1200 Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, bien sûr. Et son menu, plutôt minimaliste, consiste en des hot dogs steamés et des frites. That's it. Le all-dressed Montreal style hot dog, c'est vraiment une émission bilingue, hein, aujourd'hui. OK, on met de la moutarde, des oignons, plutôt cru, ainsi que de la choucroute. Parce que pas vraiment de la salade de choux qu'on met dessus, c'est plutôt de la choucroute parce qu'elle est légèrement marinée, mais bon. Et on peut en mettre quand même, puis on va mettre, John, aide-moi avec ça, c'est quoi du cabbage? Cabbage. C'est des choux. C'est du chou. Ah, c'est du chou, OK. OK, puis on... Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre aussi de la relish, sauf que dans les plus vieilles hot doggeries, comme le Montreal Pool Room, OK, all dress, ça veut dire sans relish. Et all dress aussi, ça veut dire sans ketchup. Mm-hmm. Il faut le demander verbalement. Je veux du ketchup dans mes hot dogs all dress. Donc. Pour ceux qui n'ont jamais mangé de hot dog à Montréal dans un restaurant, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bon. Exactement. Bon, je vais y aller rapidement, OK? On parlait de Coney Island tantôt. Un hot dog chili avec de la sauce chili, OK, au Michigan. On appelle ça un Coney Island, dans l'état du Michigan, à Détroit, par exemple. OK? Puis avec ça, c'est très spécifique. Les ingrédients, c'est une saucisse de porc uniquement. OK? Le pain, il est fumé, toujours. Et puis là-dessus, on va mettre une sauce chili qui n'a pas de fèves, c'est juste de la viande. On va mettre des oignons jaunes, puis on va mettre de la moutarde jaune fluo aussi. Il y a deux variations au Coney Dog. C'est le style Détroit, qui est faite avec une sauce qui est un peu plus liquide, et le Flint style. Flint, d'où vient notre ami, celui qui a fait Bowling for Columbine. Ami, ouais. C'est le gros. Ouais. Donc, OK, puis là-bas, tu sais, c'est plus... Elle est moins liquide, elle est plus... vous savez ce que je veux dire. Et puis, c'est ça. Par contre, Coney Island, comme je vous ai dit, c'est de là que viennent les premiers hot dogs aux États-Unis. Pis c'est une région de New York. OK? Je suis plus capable. Fait qu'au Michigan, on appelle ça un Coney Dog... Puis, dans Coney Island, ce hot dog-là, on appelle ça hot dog Michigan, comme au Québec. C'est-tu drôle, hein? C'est comme... Il y a un hot dog Michigan, ça me fait rire, des affaires de même. Comme un glaçon, ça se pague! Ah, on a du fun, hein? L'histoire est-ce était tellement fini, désespérante que... Alors, j'arrive à la conclusion. Ah, ouais, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Là. La conclusion, c'est que l'ingrédient principal pour réussir un bon hot dog... Je suis content que tu aies sorti tout ça, Tommy, tantôt, les quatre piliers, parce que l'ingrédient principal, c'est l'indifférence. L'absence d'amour est cruciale à la réussite d'un hot dog digne de ce nom. C'est très important. Si tu mets trop d'amour dedans, ils sont... Ça marche pas. Non. C'est comme une bonne émission de 70%. C'est ça, exactement. C'est... Donc, t'as-tu fini, Simon? Oui, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Simon, d'être passé. Yeah. John, est-ce que t'as pensé à un indicatif? Ça va être sur fond de Tune de combat de Secret of Mana, mon gars, il est chanceux. Oh, shit. Je sais pas, c'est toi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Hi, c'est John Lajoie. Vous écoutez 70%. C'est... Yeah! C'est bon. C'est vert. C'est un mauvais moment passé. C'est comme une piqûre. Ah, on l'a fait. Tu viens de faire du nœud avec du vieux. Sinon, ben, je vais me permettre de déglutir rapidement le petit texte que j'ai ici sur. Ah, ben quoi que toi, vas-y, Bruno. Tu veux que je lise une nouvelle? Okay. Nouvelle rafale. Tremaine Durham a reçu une sentence de prison à vie mercredi pour le meurtre brutal de deux personnes. Le juge Eric Bergstrom a accepté une demande hors du commun de Durham afin qu'il plaide coupable. Durham est gros, il aime la bouffe graisseuse. Il a donc accepté de plaider coupable en l'échange de deux barils de poulet frit, une pizza et une lasagne. Procès pour meurtre qui coûte environ 4 000 $ aux contribuables habituellement aura coûté 41,70. Durham a plaidé coupable et il a mangé. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il d'autres choses? Non, c'est garde-le parce que je veux déglutir mon petit texte ici rapide. C'est vraiment la fin ici. On parle de Commando, hein, mais je veux dire, tout le monde l'a vu, Commando. C'est ce qu'on s'en va écouter là. Je vais moi aussi faire ça très succinct. Messieurs, merci beaucoup parce qu'il faut se laisser la place pour les autres amis qui s'en viennent. John Lajoie, c'est sûr qu'on va rester en contact parce qu'on lance un festival de douteux au brouhaha. On s'en va écouter des films excellents et lancer des béquilles dans l'écran. Donc, si jamais ça te tente, entre autres des béquilles, on a eu des pots de fleurs aussi. Si ça te tente de te joindre à nous, on s'en va faire ça là. Sinon, bon, reste en contact. Ça a été un plaisir de te parler. Merci, on sent une humilité qui fait que ça, je me tente de recommencer dans le futur. Puis là, ben, y a Bruno puis y a Israël. Ouais. On est tout le temps là. Les totems. Comme d'habitude. C'était à 70%. En fait, je lirai même pas mon speech qui reste. Vous allez passer au brouhaha si vous le voulez. Je vais vous mettre à la place des séquences de que moi j'ai déjà passé dans une émission de radio jadis, des séquences découpées. Une lame de couteau, ça s'enfonce dans une gorge d'enfant comme dans du beurre. C'est quoi parler de ça après le déjeuner, man? En tout cas, on pèse plus, c'est 70%. Merci bien gros. Douteux.org, c'est là que ça se passe. Sinon, johnlajoie.com. Aurais-tu pour rien? Avec plus de succès qu'à bord. C'est continu. C'est super. Non, là, tu vas. Quoi? Un malaise, non? Bon, alors allez-y. On ne vous a jamais dit que vous aviez un caractère agressif? Allez, il faut se grouiller. Ouh, j'espère que je vais savoir piloter Zing. Un avion, ça! C'est un canoë avec des ailes! Eh bien, montez! Commencez à pagayer! Oh! Mettez le moteur en route, vite! D'accord! Oh mon Dieu, cet appareil doit être aussi vieux que moi! Mais il n'y a même pas de lecteur électronique! J'ai juste appris à piloter un Cessna! Mais grouillez-vous, merde! Je fais ce que je veux! Oh. Tu